À l'occasion de la nouvelle année 106 du Tchouché 2017, le président nigérien Muhammadu Buhari, commandant général des forces armées, a fait parvenir une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un. Amos Elisha, chargé d'affaires par intérim nigérien en Corée, l'a transmise le 30 décembre à un cadre coréen intéressé.